بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication du livre de Cheikh Abdurrahman Abdus Salam ibn Burgis rahimahullah. Et c'est le titre de ce livre, c'est Al-Amru bi luzumi jama'at al-muslimin wa imamihim. C'est-à-dire l'ordre de rester avec la jama'a des musulmans ainsi que leurs dirigeants et l'interdiction de se séparer d'eux. Et le sujet donc maintenant dont on parle par rapport aux causes de la division ou la séparation de la jama'a, parmi les causes, on a mentionné au dernier cours la première. Aujourd'hui, on commence avec la deuxième, At-tahazzub. At-tahazzub, c'est une des causes parmi les causes de la division et de la séparation de la jama'a. Et qu'est-ce qu'on veut dire par At-tahazzub? Le mot tahazzub vient du mot hizb. Hizb qui veut dire parti ou groupe. Hein? Comme les partis politiques, par exemple, on dit Al-ahzab, al-siyasiya. Al-Ahzab, c'est le pluriel du mot Hizb. Hein? Et politique, en arabe, Siyasa, c'est la politique. Et politique, on dit Siyasiya. Al-Ahzab ou Siyasiya. Et si c'est des partis islamiques, on dit Al-Ahzab al-Islamiya. Mais dans les deux cas, c'est quelque chose qui est contraire à la Sunna. C'est-à-dire que les partis qui existent actuellement dans le monde musulman et qui se prétendent islamiques, eh bien, ils sont en train de contredire l'islam en faisant ces partis-là parce que l'islam interdit de faire des partis. Donc, comment tu peux appeler quelque chose qui est haram, tu l'appelles islamique? Et ça fait partie de la méthodologie des Ikhwan. C'est-à-dire de rendre halal ce qui est haram en essayant de changer son nom, hein, en changeant le nom de la chose pour lui donner une autre apparence ou une autre réalité et faire croire aux musulmans que c'est quelque chose qui est correct. Donc tu vois par exemple, eux, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Toutes sortes de bid'ah. Et ils font des choses qui sont contraires à l'islam, puis ils disent islamique avec, par exemple, la musique islamique, le cinéma islamique, ils vont faire par exemple du théâtre islamique, ils vont faire quoi d'autre encore, des parades de mode islamiques, des discothèques islamiques, des bars islamiques, hein? Toutes sortes de bid'a comme ça, ils font des choses contraires à l'islam puis ils essaient de les rendre islamiques. La seule façon par laquelle ils font ce tour de passe-passe, comme on dit, c'est en ajoutant le mot islamique après. Hein? Des femmes, par exemple, qui portent des vêtements qui sont contraires à la charia, qui dévoilent leur corps ou qui montrent leur forme, ou bien qui couvrent seulement une partie de leur corps et qui découvrent une autre partie, eux, ils vont dire, par exemple, bon, ça, c'est un hijab islamique, alors qu'en réalité, ça n'a rien d'islamique. Donc, il faut se méfier de ces gens-là et de qu'est-ce qu'ils font. Et parmi les choses qui sont interdites en islam et qui divisent les musulmans, c'est les ahzab, al-tahazzub. Al-tahazzub, c'est l'acte, hein? Ou bien c'est l'action de faire un parti. Tahazzaba, yatahazzabu, tahazib, tahaziban, ou tahazzuban. Et il dit ici, al-tajammu', al-sheikh, il dit, al-tahazzubu huwa al-tajammu'u ala shay'in mu'ayyan. Yuqalu lil jama'ati minan nas hizbun. قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون فالتحزب قد يكون محمود او محمودا قد يكون محمودا وقد يكون مذموما فالمحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر، فهؤلاء هم حزب الله الذين قال الله فيهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالواجب على المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له. Donc ici le cheikh il explique que التحزب, ça veut dire de se réunir autour d'une chose, de se rassembler autour d'une chose en particulier. Et on dit à propos d'un groupe de personnes, on dit un hizb. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets, le terme hizb dans le Coran, comme l'exemple du verset 53 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. C'est-à-dire chaque groupe ou chaque parti se réjouissant de ce qui est avec eux ou de se réjouissant de ce qu'ils ont avec eux. Et ça c'est la fin du verset, parce que le début du verset, il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas parmi les gens, hein, ne soyez pas parmi les mushrikines, parmi les gens qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque groupe s'exultant, hein, se réjouissant de ce qu'il possède. Donc ça, c'est interdit en islam de faire des partis, de diviser les musulmans. Et le cheikh dit que le terme « hizb » ou « tahazzub » ça peut être dans le sens louable et ça peut être dans le sens blâmable. Quand est-ce que c'est dans le sens louable? C'est lorsque on parle des musulmans en général, c'est-à-dire le groupe des musulmans, c'est-à-dire tous les musulmans réunis. En réalité, les musulmans forment un seul groupe. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien est-ce qu'il y avait de groupes de musulmans? Ça, c'est une question, hein? C'est une question à 1000 points, là, comme on dit, hein? Celui qui répond à cette question-là, il gagne, hein, direct. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien est-ce qu'il y avait de partis parmi les musulmans? Les musulmans, combien il y avait de partis parmi les musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Un seul parti. C'est le parti de l'islam, le parti du Coran et de la Sunna. C'était ça le parti qui existait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le seul parti qui est permis en islam. Il n'y a pas d'autres partis qui sont légitimes ou acceptables en islam. D'accord? Et à l'époque des Sahaba, c'est la même chose. Il n'y avait qu'un seul parti pour les musulmans. Les divisions qui sont apparues par la suite, eh bien, ces divisions-là et ces groupes-là et ces sectes-là sont apparues. Et eux, en réalité, c'est eux qui ont divisé le parti des musulmans, qui sont devenus des partis, qui sont devenus des groupes, qui ont divisé l'unité des musulmans. Donc le cheikh, il dit, l'obligation pour le musulman, c'est de rester avec ce parti. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ulaika hizbullah ». Hein? Donc c'est seulement ce parti-là qui est louable. C'est le parti qui se sont, c'est-à-dire les musulmans au complet. Donc dans un pays musulman, toute la population qui compose ce pays-là sont considérés comme étant un seul parti. Et donc, du moment qu'ils sont tous un seul parti et qu'ils ont un dirigeant, alors ils forment la jama'a des musulmans dans ce pays-là. Il n'est pas permis à un autre musulman de venir et créer un nouveau parti ou essayer de diviser l'unité des musulmans dans ce pays-là. Hein? Et c'est ça qu'on voit malheureusement de la part des gens de Bid'a et des Hizbiyin, ceux qu'on appelle les Hizbiyin, justement. On les appelle, pourquoi on les appelle des Hizbiyin? Parce qu'ils font des Ahzab, ils font des Hizb pour diviser les musulmans. Ils font des partis pour diviser les musulmans. Hein? Ou bien des fois c'est des partis déclarés, des fois c'est des partis non déclarés. C'est-à-dire qu'ils divisent les musulmans en les unissant ou en les appelant à s'unir sur des choses qui sont contraires à l'islam. Ils n'ont peut-être pas formé un parti officiel, sauf qu'ils divisent les musulmans en partis sans parfois le savoir ou sans parfois le réaliser. Donc, quand on parle ici de ces groupes-là, dans les pays musulmans, ça peut être des partis qui sont soi-disant islamistes ou islamiques, hein, ou musulmans, et des partis qui sont laïcs, qui parlent au nom de l'islam, ou bien qui ne parlent pas au nom de l'islam, qui parlent au nom de l'intérêt général, ou de la politique, ou de l'économie, ou de d'autres idéologies que les koufars ont inventées. Ça peut être des partis libéralistes, des partis socialistes, des partis communistes, des partis progressistes, peu importe le nom qu'ils se donnent. Toutes ces différentes catégories de partis-là sont contraires à l'islam et on n'a pas le droit d'y appartenir ou d'en faire partie ou d'y adhérer. Les musulmans doivent être un seul parti dans un pays musulman. Et les koufars, ils disent, ouais, mais ça veut dire que c'est la dictature, ça veut dire que c'est l'opinion unique, hein? Ça veut dire que c'est le parti unique, c'est contre la diversité, c'est contre l'ouverture, c'est contre ci et contre ça. Ça n'a rien à voir avec nous, ça. Ça, c'est pas notre problème. Nous, notre question, qu'est-ce qui nous importe, c'est de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Yani, tu veux manger des pommes de terre, tu veux manger des carottes, tu veux manger de la viande, tu veux manger des choses halal, mange des catégories, des sortes de nourriture que tu veux. Hein? Tu veux marier une femme musulmane, tu veux qu'elle soit chinoise, ou qu'elle soit africaine, ou qu'elle soit antillaise, ou qu'elle soit européenne, du moment qu'elle est musulmane, tu peux marier la femme que tu veux. Ça, c'est des goûts. On ne te dit pas, si tu es dans un pays musulman et que tu vis dans ce pays-là et que tu es sous l'autorité de ce dirigeant-là, que tous les musulmans qui vivent dans ce pays-là, ils sont obligés d'aimer la même chose. Hein? C'est-à-dire, si par exemple le dirigeant, il dit, moi j'aime les tomates, tout le monde est obligé d'aimer les tomates? Non, ça c'est des goûts, c'est personnel. Chacun, il peut manger, tant que c'est halal, il mange ce qu'il aime. Et tant que c'est permis, il mange ce qu'il aime. S'il fait quelque chose halal, il fait ce qu'il aime. Il aime une voiture rouge, l'autre il aime une voiture jaune, l'autre il aime une voiture bleue, l'autre il aime, tel modèle, telle marque, hein, une marque japonaise, l'autre il aime la marque européenne. T'achètes la voiture que tu veux. Tu veux porter des vêtements, tes vêtements, du moment que c'est halal, tu le portes. Tu aimes, par exemple, une couleur brun, l'autre il aime le gris, l'autre il aime le noir, l'autre il aime le blanc. Yani, toutes ces couleurs, c'est des goûts. Les koufars, ils essaient de faire croire aux gens que si on dit qu'il doit y avoir un seul parti, que ça veut dire que tout le monde doit penser la même façon dans tout. Non, on doit penser la même façon lorsqu'il est question de la vérité. C'est-à-dire, on doit tous accepter ce qui est vrai, ce qui vient du Coran, ce qui vient de la Sunna, et ce qui est une réalité. Mais quand il s'agit des goûts, des opinions, des choses qui ont pas rapport avec la vérité, hein, ou qui ont pas rapport avec la religion, alors dans ce cas-là, quelqu'un peut choisir ce qu'il aime. Hein? Et donc, cette idée-là que les koufars, ils essaient de faire propager ou de faire croire aux gens que si t'es pas si t'es pas d'accord avec la démocratie, ça veut dire que tu veux imposer à tout le monde de penser ou de vivre de la même façon. Non, c'est-à-dire on vit dans dans les limites de qu'est-ce qui est bien, dans les limites de qu'est-ce que Allah il a ordonné et de qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna et la Sharia de l'islam. Mais en dehors de ça, chacun il a des goûts, chacun il a des préférences, chacun il a des choses qu'il aime. Du moment que c'est halal et du moment que c'est en accord avec la Sunna et du moment que c'est pas une imitation des kuffars, il n'y a pas de problème. Hein? Tu peux le faire du moment que c'est pas une bid'a ou des choses comme ça. Donc, il y a ça. Et le fait d'être unis et le fait d'être ensemble autour de notre dirigeant, ça nous donne une force. Hein? Et les koufars, ils savent, ils disent toujours, même ils disent, l'union fait la force. L'union fait la force, donc pourquoi ils font tout pour nous diviser? Pour qu'on soit faible. Hein? Mais si on fait un pays et que dans ce pays-là, tout le monde est divisé avec des partis différents, est-ce que ça fait la force ou ça fait la faiblesse? Ça fait la faiblesse. Donc, comment ces gens-là, ils veulent essayer de nous tromper ou de nous faire croire que qu'est-ce qui est mauvais, c'est bon, hein, et que nous, on accepte ça aveuglément, comme si ces gens-là, tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils faisaient, c'était quelque chose de qui était le bien pour nous, hein, comme s'ils étaient les conseillers et les fidèles conseillers pour la Ummah de l'islam. Ils veulent pour les musulmans ce qu'il y a le meilleur et ce qu'il y a de mieux. Hein. Ils préfèrent même pour nous les musulmans, yani, ils préfèrent mieux, ils préfèrent plus encore le bien pour nous que pour eux-mêmes. Hein. Ils sont plus sincères envers nous qu'envers eux-mêmes. Est-ce que ça c'est possible? Non, c'est pas possible. Celui qui pense ça, il est vraiment, il a un problème dans sa tête. Il faut être réaliste. Il y a personne qui veut plus le bien pour la Ummah et pour les musulmans que Allah et son messager. Hein? Alayhi salat wa salam. Et puis ensuite, les musulmans parmi les ulama, et ensuite, conscients de l'importance de l'islam et qui ont une autorité, qui ont un pouvoir et qui respectent les ulama, yani, ces gens-là, en général, ils amènent beaucoup de bien pour les musulmans aussi. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que yani, ceux qui nous dirigent soient des gens justement qui apprennent à respecter le ilm, la science de l'islam et les ulama et qui font des efforts pour la propager et pour faire en sorte que les peuples musulmans soient éduqués sur l'islam. Il y a un frère qui me disait ça une fois, il me disait, tous les ulamas et tous les dirigeants qui ont fait des réformes à travers l'histoire, ils ont toujours commencé par l'éducation, tout le temps. Donc si tu vois par exemple qu'un pays musulman, il ne fait pas d'efforts pour essayer de réformer l'éducation sur le plan de l'apprentissage, de la religion et de l'enseignement aussi des bonnes choses de la dunya, alors ça, ce n'est pas la voie correcte pour la réforme. La bonne voie, la voie correcte pour la réforme, ça doit commencer par l'éducation, at-tarbiya. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa da'wah par l'éducation. Et donc, la da'wah, ça commence toujours par l'éducation et l'enseignement. Il ne peut pas y avoir autre voie, autre chemin que ça. Donc d'établir des écoles, d'établir des collèges, d'établir des universités et de faire en sorte que les musulmans aient de la science et aient de la connaissance et de la compréhension de l'islam. Après, le cheikh il dit « Fawajibul muslim ». Donc il est obligatoire aux musulmans de faire partie et d'adhérer au parti des musulmans et de défendre ce parti et d'être sincère envers lui. Donc, si tu es dans un pays musulman, tu dois adhérer au parti des musulmans, c'est-à-dire rester avec ton dirigeant et de pas chercher à créer de la division ou d'opposer celui qui est au pouvoir, et d'écouter et d'obéir à ce dirigeant-là dans le bien. Et si jamais tu vois de ton dirigeant quelque chose que tu n'aimes pas, ou quelque chose qui te déplaît, alors reviens à la sunna. Et regarde qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné de faire dans des situations pareilles, hein, dans le Coran et dans la sunna, pour gérer ces situations-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, il dit justement, si vous voyez par exemple d'un dirigeant, hein, même non seulement il dit si vous voyez, c'est comme il dit même dans certains hadiths, vous allez voir de votre dirigeant des choses que, hein, que vous aimez pas. Hein. Vous allez voir de vos dirigeants des choses que vous n'aimez pas. Donc ce n'est pas quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui va se produire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Et c'est quelque chose qui s'est produit. Et il y a un autre hadith même. Et ce hadith-là, il est encore plus clair sur ce sujet. C'est Abu Bakr, radiallahu anhu. Non, ce n'est pas Abu Bakr. C'est selon Adi ibn Hatim. Qal, qulna ya Rasul Allah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa wa aslaha. ولكن من فعل وفعل يذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Ça veut dire, yani parce qu'il y a des hadiths dans lesquels les sahaba ils demandent aux dirigeants, yani comment on doit agir avec les dirigeants. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond tout le temps, écoutez et obéissez. Même dans des cas où il dit, même s'il te frappe ton dos, même s'il prend tes biens, écoute et obéis. Et là, dans ce hadith-là, et ce hadith-là, il est rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah, et Cheikh Al-Albani il l'a authentifié dans le Tahrij de Zilal al-Jannah. Il dit que Adi ibn Hatim a dit, nous avons dit, ô messager d'Allah, on ne te demande pas à propos de l'obéissance de celui qui est pieux et qui fait le bien, mais on te demande à propos de celui qui fait et qui fait et qui fait, c'est-à-dire celui qui fait du mal. Hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, Ettaqullah, c'est-à-dire préservez-vous d'Allah, et écoutez et obéissez. Hein? Donc, pourquoi Adi ibn Hatim, il spécifie, hein, on ne te demande pas à propos de celui qui est pieux, qui craint Allah, qui se préserve dans les commandements d'Allah. Pourquoi? Parce que celui-là, ce n'est même pas une question. S'il est pieux, est-ce que les gens ne vont pas l'aimer, vont pas lui obéir, vont pas vouloir le suivre? En principe, oui. Malgré que des fois, des dirigeants peuvent être pieux et les gens. Hein, eux sont pas pieux, alors ils l'aiment pas, parce qu'il est pieux justement. Hein. Il est juste, mais eux ils aiment pas les gens qui sont pieux, même s'ils sont justes. Alors ils sont contre lui. Mais là ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a répondu à la question spécifique à propos du dirigeant qui n'est pas pieux, c'est-à-dire qui est pas juste, qui est malhonnête, ou bien qui est injuste, qui fait beaucoup d'injustice. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez. Et ensuite, le cheikh, il dit, وقال l'imam Abu Muhammad Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, rahimahullah, al-mutawaffa sanata 283 hijriyan, قال, هذه الأمة 73 فرقة, 72 هالكة, كلهم يبغض السلطان والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. سبحان الله. Donc l'imam Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, rahimahullah, un des imams parmi les imams des salaf, qui est mort en l'an 283, rahimahullah. Il dit dans cette parole, qui est rapportée par Abu Talib al-Makki, dans il dit, il y a cette umma, elle est 73, elle est divisée en 73 sectes. Et il dit, il y en a 72 qui vont périr ou qui sont dans la perdition, elles périssent. Hein? Vous connaissez le hadith des 73 sectes. Il y en a 72 en enfer, il y en a une sauvée. Et il dit à propos des 72 qui périssent, elle déteste tout le dirigeant. Et il y en a une seule qui est sauvée. Et c'est celle qui est avec le dirigeant. Subhanallah. Donc, vous voyez la compréhension des salafs hein, par rapport à cet exemple-là. Ça veut dire que les groupes de bid'a, c'est en général des groupes qui s'opposent au dirigeant et qui contredisent le dirigeant et qui détestent le dirigeant. Tandis que les salafis, les gens qui sont sur la sunna et la voie des salafs, eh bien, ils sont avec leur dirigeant. Même si leur dirigeant, il a des fautes, où il a des péchés, où il a des injustices. Hein? On condamne, on rejette les injustices, on rejette les péchés. C'est-à-dire qu'on accepte, on n'agrée pas ça, on n'est pas satisfait de ça. Sauf qu'on écoute et on obéit dans le bien. Hein? Et on demande pardon pour lui, pour ses péchés. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَأَمَّا التَّحَزُّبُ الْمَذْمُومُ فَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ جَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى تَجَمُّعَاتٍ أُخْرَى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى فهؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا حزب الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال قال تعالى أولئك حزب الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Donc le cheikh il dit ici que le tahazzub, le fait de se séparer en groupe de manière ou en groupe ou en partie de la façon qui est blâmable, hein, le fait de se diviser, de se séparer en groupe. Hein? Lorsque c'est blâmable, c'est quand? C'est lorsque on sort de la jama'a des musulmans et qu'on crée toutes sortes de petits groupes. Hein? Et ces petits groupes-là ils se rejoignent tous dans le fait de se séparer de la jama'a et de prendre des positions singulières vis-à-vis de l'autorité légal du dirigeant et dans le fait de suivre la passion. Hein? Allah al-musta'an. Donc, le cheikh il dit فَهَاُولَا عَنْ حِزْبِ يعني هُمْ فَهَاُولَا مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَان. Donc, ceux-là, ils font partie du groupe du shaitan. Ils font partie du parti du shaitan. Même le terme que les gens utilisent aujourd'hui, le terme jama'a, hein, beaucoup d'entre les groupes de bid'a, ils se donnent des noms comme ça. Ils s'appellent jama'a. Jama'atu tablir, jama'atu l'ikhwan al-muslimin, jama'atu hizb al-tahrir, jama'atu al-qa'ida, jama'atu الدواعش جماعة الجهاد جماعة فلان وفلان hein? Alors qu'en réalité il n'y a qu'une seule jama'a qui est permise en islam et c'est la jama'a de l'islam la jama'a de l'islam et jama'a de l'islam yani c'est ceux qui s'accrochent au Coran et à la sunna et à la compréhension des salafs ceux qui contredisent la voie des salafs ils ne sont pas hein, en train de suivre correctement la jama'a. Ils suivent des bid'as. Donc, le cheikh, il explique ici, il dit que le tahazzub qui est blâmable, c'est de sortir de la jama'a des musulmans vers toutes sortes d'autres groupes. Et ils se réunissent tous sur le principe ou le fait de se séparer de la jama'a vers des positions singulières vis-à-vis de l'autorité légale et vis-à-vis du suivi de la passion. Donc ceux-là sont en fait ils font partie du groupe du shaitan ou le parti du shaitan et la raison de ça c'est parce qu'ils se sont séparés du parti d'Allah. Hein? Et comme on a dit, hein, ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement en dehors de l'islam. Tout dépend de l'élément ou de la chose par laquelle ils sont sortis de la jama'a des musulmans. Si c'est par quelque chose qui est kufr majeur ou shirk majeur, alors dans ce cas-là, oui, ils sont en dehors de l'islam, ils vont faire partie du groupe du shaitan, ils sont dans le kufr, dans le shirk et dans l'égarement. Mais si c'est par quelque chose qui est un péché ou quelque chose qui est bid'a, et que cette bid'a n'atteint pas le degré de shirk majeur ou de kufr majeur, alors dans ce cas-là, on va dire qu'ils sont toujours musulmans, sauf qu'ils ont des caractéristiques du parti du shaitan. Hein? Ils ont des caractéristiques du parti du shaitan. Et il dit, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Il dit, qu'est-ce qu'il y a donc après? Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité, excepté le faux? Hein? Excepté l'égarement. Hein? Après la vérité, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'égarement? C'est ça le sens du verset. Hein? Après la vérité, est-ce qu'il reste quelque chose autre que l'égarement? Est-ce qu'il y a encore de la guidance après la vérité? Non, après la vérité, ça y est, c'est fini. Hein? C'est comme si tu dis, par exemple, hein, tu dépasses le chemin, tu sors de la route. Est-ce que quand tu es sorti de la route, il y a encore un chemin? Non. Le chemin, il s'arrête là où la route s'arrête. Si tu dépasses la route, hein, tu sors de la route, alors tu es en dehors du chemin. Et donc ici, c'est ça, c'est dans le sens ici de faire comprendre que il n'y a pas d'autre chose après la vérité, excepté l'égarement. Ce n'est pas comme si les gens qui disent aujourd'hui, non, mais il y a plusieurs vérités. Il y a plusieurs vérités, chacun il a sa vérité. J'ai entendu des koufars qui disent des choses comme ça. Il n'y a pas une seule vérité, chacun il a sa vérité. Ou bien ils disent la vérité, elle est relative. Chacun il peut avoir raison. Hein? Toi, tu dis une chose et l'autre il dit le contraire et les deux ont raison en même temps. Ça c'est impossible. Donc ici, le cheikh il dit ensuite l'autre verset dans Sourate Al-Mujadala qui est la suite de l'autre, qui vient après l'autre. Ou bien qui vient plutôt avant l'autre. Oula'ika hizbush shaitan, le verset 19. L'autre verset tantôt, Oula'ika hizbullah, c'était le verset 22. Ici, maintenant, c'est le verset 19. Oula'ika hizbush shaitan, ceux-là sont du parti du shaitan. Et certes, le parti du shaitan, c'est le parti, hein, ce sont eux les perdants. Ce sont eux les perdants. Le cheikh il dit ensuite فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا وبدعيا ومفارقا للجماعة وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد. Donc le cheikh il dit, donc n'importe quel rassemblement autour d'autre que le dirigeant apparent, hein, qui possède la force et yani, l'autorité, et que les musulmans auxquels les musulmans ont donné l'allégeance, hein, donc tout rassemblement autour d'autre que ce dirigeant-là, eh bien, c'est considéré comme une forme de tahazzub, comme une forme de formation de parti, et comme une innovation, et comme une séparation de la jama'a. Et c'est également le noyau de la révolte et de la rébellion armée qui détruit les champs et la progéniture aussi, et qui sème le désordre dans les pays. Parce que c'est ça qui se passe en général. Lorsque, par exemple, les musulmans acceptent de rentrer dans les systèmes des kuffars et qu'ils ont des partis, hein, ils vont se diviser et chacun, ils vont vouloir défendre leur candidat. Et si leur candidat perd les élections, des fois ça peut arriver que les opposants vont pas être contents, alors ils vont prendre les armes contre l'autre, hein, pour que ce soit leur candidat qui soit élu. hein, ou qu'il soit mis au pouvoir, même par la force. Donc tout ça, c'est malheureusement, il y a des conséquences je ne dis pas que c'est spécifique à la démocratie, parce qu'il y a dans autre que la démocratie, il peut y avoir des choses comme ça des fois qui se produisent, des coups d'État ou des rébellions ou des révoltes. Il y en a eu dans l'histoire de l'islam. Mais avec la démocratie, ça devient pire encore parce que ça devient un jeu. Ça devient systématique. Ça devient comme institutionnalisé, si on veut. Et tout le monde rentre dans le jeu. Alors, c'est un gaspillage de temps, d'argent, d'énergie et beaucoup d'autres choses. Aussi, mais on voit par exemple dans certains pays maintenant, actuellement, là, des exemples de fétanes comme ça. Il y a des frères qui m'ont parlé de différents exemples de ce qui se passe dans différents pays. Et actuellement, je pense que en Guinée, hein, il y a des manifestations, il y a des révoltes, les gens sortent dans la rue, ils cassent tout. Hein, Allah Musta'an. Et il y en a aussi au Liban maintenant des grèves générales. Des problèmes comme ça, Allah Musta'an. Il y a aussi dans d'autres pays, comme même des pays non musulmans, en Chine, Taïwan en ce moment, il y a des manifestations presque tous les jours. En France, hein, les gilets jaunes, ça fait presque un an que ça dure, ça fait plus qu'une année que l'histoire des gilets jaunes, là, ça continue. En Haïti, en ce moment, là, contre le président actuel, la population, surtout à la capitale et dans certaines villes, les gens, ils sortent dans les rues, ils font des immenses manifestations, c'est terrible. Donc, yani, le résultat de ça, c'est jamais bon. En général, c'est jamais bon. Et jamais de bien est sorti de ce genre de choses. Malheureusement, beaucoup de musulmans, ils réalisent pas ça. Et les koufars, bon, s'ils réalisent pas, c'est pas trop étonnant ou surprenant, puisque ils ont pas la guidance pour être capables de discerner ou de comprendre. Mais qu'est-ce qui est plus triste, c'est lorsque tu vois des gens qui ont la guidance et qui sont musulmans et qui connaissent l'islam, et puis qui font la même chose que ce que font ceux qui n'ont pas de guidance. Hein. Donc là, c'est comme si, subhanallah, yani, tu dis, mais comment ça se fait que vous avez l'islam et vous agissez comme ça alors que vous savez, hein, que l'islam est la vérité. Donc on n'a pas besoin de ça. Hein, on n'a pas besoin de ça. Et le cheikh, il dit donc, ensuite il dit, وقال الحسن خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه وتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء حتى جعلت لا ما أبصر أديم السماء قال وسمعنا صوتا من بعد حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا صوت أم المؤمنين قال القاضي إسماعيل أحسبها أم سلمة رضي الله عنها قال سمعتها وهي تقول ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فالأحزاب والجماعات فرقة نهى الله تعالى عنها وبرأ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منها فلا يجني منها المسلمون إلا الويل والفساد فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم. Donc le cheikh, il explique ici et il dit que Othman, ça c'est rapporté par Al-Hassan. Al-Hassan al-Basri, probablement, il dit, nous sommes Uthman ibn Affan est sorti vers nous, radiyallahu anhu, et il nous a fait un discours. Et certains d'entre les des gens, vous savez qu'à son époque, il y a des khawarij qui sont sortis à l'époque de Uthman. Et ces gens-là, ils ont fait la fitna, ils ont même assassiné Uthman, radiyallahu anhu. Donc, ici, l'exemple qui est mentionné dans la note de bas de page, il dit « Wa an Sufyan, wa Israël ibn Moussa, wa Abi Moussa al-Basri, an il-Hassan, qala shahidtu al-masjida yawm al-jumu'a, fa kharaja Uthman, fa qama rajulun, fa qala anshudu kitab Allah, anshudu kitab Allah, fa qala Uthman, amma al-kitab, Allahu nashidun ghayrak, fa jalas ila akhirihi. » وليس فيه ذكر كلام أم المؤمنين وإسناده صحيح. Oui, ça c'est rapporté par l'imam al-Shatibi, cette histoire. En fait, c'est l'histoire que Uthman ibn Affan, c'était le khalifa à cette époque-là, et il est sorti le jour de Jumu'ah pour faire la khutbah. Il y a des gens qui lui ont coupé la parole. Et vous savez que le Jumu'ah, les gens, ils n'ont pas le droit d'interrompre l'imam ou de parler pendant que l'imam fait la khutbah. Donc, il y en a un d'entre les gens qui faisaient le désordre, qui ont dit, en voulant dire, réciter le livre d'Allah, pendant que l'imam voulait, pendant que Uthman radiyallahu anhu voulait faire la khutbah. Alors, il a dit, Uthman radiyallahu anhu, en ce qui concerne le livre d'Allah, c'est autre que toi qui va le réciter. Et il s'est assis. Puis là, il a mentionné la suite, jusqu'à ce qu'on entende une voix, la voix d'une des mères des croyants. Et Al-Qadi Ismail, il a dit, je crois que c'était la voix de Salama, radiyallahu anha. Elle a parlé depuis sa maison. Et vous savez que les maisons des mères des croyants sont collées sur la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle a dû entendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, elle a crié, ou bien elle a parlé avec une voix haute. Et elle a dit, elle a dit que, Ala inna nabiyakum, certes, votre prophète est innocent de tout celui qui, ou de toute personne qui divise sa religion et qui devient un hizb, qui devient un parti. Et il a innocenté son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui se divisent. C'est dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc parce qu'elle a récité le verset, inna Allah farraqa, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Ceux qui divisent leur religion et qui deviennent des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Lasta minhum fi shay. Et donc, les groupes et les partis sont des sectes que Allah a interdits. Et Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce genre de sectes et de ce genre de divisions. Et elles ne ramènent aux musulmans que des désordres et des malheurs. Et c'est donc une source de désordre et de malheur. Et le cheikh, il dit ensuite, « Fala yajouz, il n'est pas permis à un croyant qui croit en Allah et au jour dernier d'établir un parti quelconque dans les pays musulmans par lequel il va sortir de la jama'a des musulmans. » C'est-à-dire, il va se séparer de la jama'a ou du corps des musulmans. Et il va disputer au dirigeant son autorité. Et donc ça, c'est un exemple ici. Ceux qui sont dans les pays musulmans, qui vivent dans des pays musulmans, et dans ces pays musulmans-là, il y a un dirigeant. Les musulmans, ils sont unis autour de ce dirigeant. Quelqu'un, il arrive, il dit, bon, moi, je vais partir, je vais faire un nouveau parti. Un nouveau hizb. Et mon hizb, il va s'appeler tel ou tel nom. En général, ils donnent toujours des noms qui sont flamboyants, hein? Des noms qui donnent l'impression qu'ils veulent le bien. Comme par exemple, Hizb al-Islah, ou Hizb al-Nasr, ou Hizb kada, ou Hizb kada. Ils ont tous des noms là. Ouais, bon, c'est ça. Il y en a qui s'appellent Al-Adl wa Al-Ihsan, qui s'appellent l'Ikhwan al-Muslimoun. Yani, c'est des noms qui, en apparence, indiquent des choses de bien. Al-Islah, ça veut dire la réforme. Al-Adl wa Al-Ihsan, ça veut dire la justice et la bienveillance. Hein? Et yani, Al-Ikhwan al-Muslimoun, ça veut dire quoi? Les frères musulmans. Hein? C'est des noms qui, en apparence, ce sont des noms qui sont des belles significations, hein, qui ont des beaux sens. Sauf que dans la réalité, ils sont en train de contredire ce que les noms qu'ils portent signifient. Ils contredisent la signification de leur titre ou de leur nom, puisqu'ils sont en train de créer de la fitna et de la division avec ces parties-là, et ils divisent les musulmans. Donc, ils sont en train de faire quelque chose qui est interdit. Et ils le font au nom de l'islam parfois. Parfois au nom de l'islam, parfois au nom du kufri, ou des partis des idéologies marxistes ou communistes, socialistes ou autres, laïques ou démocrates ou des choses comme ça. Mais dans tous les sens, ce n'est pas permis aux musulmans de faire un parti. Comment les musulmans sont unis autour de leur dirigeant et toi tu viens, tu veux faire un autre parti, tu dis non, c'est moi qui vais être le dirigeant. Je me présente, ça c'est mon parti, puis on va prendre le pouvoir, on veut remplacer celui-là parce que lui, on n'est pas d'accord avec lui, il n'est pas assez bon pour qu'est-ce que nous on veut. Hein? On veut quelqu'un qui est parfait, comme moi. A'oudoubillah. Mais c'est pas ça qu'ils disent, hein? Mais c'est ça qu'ils pensent. Parce que la vérité, c'est que si lui, il réussit à prendre le pouvoir par la suite, il y a un autre parti qui va venir, qui va faire la même chose. Il va dire qu'est-ce que vous faites, c'est pas correct. Et il faut qu'il y en ait un autre parti qui corrige qu'est-ce que l'autre a fait. Et c'est un cercle vicieux qui finit jamais. Une fois que tu ouvres cette porte, elle ne va jamais se fermer. Et c'est ça le danger en fait de ça. Alors qu'en général, dans les pays où il n'y a pas de démocratie, où il y a un pays où il y a un dirigeant qui dirige, soit un roi ou bien un dirigeant ou un imam ou un cheikh ou un khalifa ou peu importe le titre qu'on lui donne. Quand il est bon, alhamdoulillah, c'est une grâce d'Allah. Et s'il y en a un qui est pas bon, eh bien c'est une punition en général pour les gens. Mais quand il meurt ou quand il finit quand son règne termine, quand il meurt, il est remplacé par un autre. Des fois, celui qui le remplace, il peut être meilleur que lui. Des fois, il peut être pire que lui. Ça dépend. Ou des fois, il peut être pareil. Donc, yani, ça, disons, c'est la façon que les choses se passent en général. Mais de remplacer des choses par des parties, là, en général, yani, c'est que des pertes de temps. Le dirigeant, quand je regarde ici, par exemple, comment ça se passe dans les élections. Le dirigeant, pendant 4 ans, il fait que utiliser l'excuse de ceux qui étaient là avant lui. Comme si, si on le blâme pour quelque chose, ou on le critique pour quelque chose, il dit, mais c'est pas notre faute, ça c'est le parti précédent. Il était au pouvoir, il faisait ça, nous on a essayé de corriger. Et s'il est réélu encore une fois, les 4 années suivantes, il essaie de partir quelque chose ou de faire quelque chose de nouveau. Et puis après, il est remplacé 4 ans par la suite. Hein, ça fait 8 ans. Et après, il est remplacé par un autre. L'autre, il doit recommencer encore une fois à zéro, tout ce que l'autre avait commencé. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas le temps de vraiment faire quoi que ce soit. Hein, parce que c'est au moment où il commençait à pouvoir justement changer des choses que il est remplacé par un nouveau. Donc ça veut dire que ça tourne en rond, ça fait surtout si celui qui le remplace, il fait partie d'un autre parti qui est inspiré d'une autre idéologie ou d'une autre philosophie, qui est opposée à ce que l'autre partie faisait. Ça veut dire que là, ils vont tout refaire. Qu'est-ce que l'autre avait tout ce que l'autre avait bâti, eux, ils vont le détruire maintenant et recommencer encore à zéro. Donc, ça veut dire que c'est une roue qui ne finit jamais de tourner parce que c'est un cercle vicieux qui tourne dans le vide. Et le cheikh, il dit ensuite, « وَمَنْ أَقَامَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَحْزَابِ وَدَعَا إِلَيْهَا أَوْ أَعَانَ عَلَى قِيَامِهَا بِكَلِمَةٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَقَدْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا حَتَّى لَوْ تَسَمَّتْ هَذِهِ الْأَحْزَابَ الضَّالَّةِ بِأَسْمَاءٍ بَرَّاقَةٍ ورفعت شعارات حسنة وقامت بأعمال فيها خير فلا يجوز إعانتها ولا الدعوة إليها فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم كلاب النار شر قتلى تحت ظل السماء من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة فلم تغن عنهم شعاراتهم شيئا ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقرآن لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit quiconque a établi quoi que ce soit de ces différentes parties, où il a appelé à ses partis, où il a aidé à établir ce parti, soit par une parole ou par de l'argent, ou quelque chose de ce genre, alors il a opposé Allah et son messager, et il suit autre que la voie des croyants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de ceux qui suivent autre que la voie des croyants, c'est-à-dire la voie des sahaba, quiconque fait scission avec le messager, une fois que la vérité lui a été clarifiée, la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que le chemin des croyants, nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc ça c'est le verset 115 dans Sourate An-Nisa, et ce verset donc il clarifie la menace par rapport à ceux qui s'opposent et qui suivent autre que la voie des croyants, le chemin des sahaba et leur guidance. Ensuite, le cheikh il dit, même si ces noms, ces parties-là se donnent des noms flamboyants, le parti, par exemple, en Algérie, avait le FIS. FIS, ça veut dire quoi? Front islamique du salut. Al-Jabahatul Islamiyatu lil-Inqad. Donc ça veut dire que eux ils prétendent au salut, ils prétendent que c'est eux qui vont sauver la nation, sauver les musulmans, sauver la population. De quoi? Allahu a'lam. Mais ils n'ont pas ramené aucun salut en réalité, et ils ne sont pas sur aucun des fronts de quoi que ce soit de la vérité. En tout cas, tout ça pour dire, ça, c'est des exemples de noms que ces gens-là se donnent. Et il y en a d'autres qui se donnent le nom, le Jama'atul Jihad. Donc, ils prétendent au Jihad et à vouloir défendre l'islam et la Umma, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le Jihad. Beaucoup d'entre ces groupes-là, c'est des groupes de Khawarij qui font de la destruction. Des partis qui s'appellent, comme j'ai dit tantôt, Al-Islah. Je pense qu'au Yémen, il y a un parti qui s'appelle comme ça. Hizbul Islah ou Hizbul Nahda. Hizbul Nahda. Tout ça, c'est des termes qui ont des belles significations, mais le fond de qu'est-ce qui est derrière, tout ça, c'est en opposition avec le Coran et la Sunna. le fait, et comme j'ai dit, l'idée même de vouloir faire des parties, c'est quelque chose qui contredit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Les frères musulmans, lorsqu'ils ont commencé en Égypte avec Hassan al-Banna, ils voulaient renverser le roi Farouk à l'époque. Ils ont tout fait pour faire des révoltes, hein, et ils voulaient renverser le roi Farouk. Et puis, finalement, ils ont réussi à le faire. Hein. En Libye, il y avait un roi aussi. Hein. Je pense que c'était al-Idrisi ou quelque chose comme ça. C'est Kadhafi qui l'a renversé. Ils ont fait un coup d'État, ils ont pris le pouvoir. En Irak, la même chose. Il y avait un dirigeant qui était là-bas, et puis ils l'ont renversé, et ils ont mis le Hizb al-Ba'ath là-bas. En Syrie, il y a eu plein de coups d'État et des renversements aussi, la même chose. Dans la plupart de ces pays-là, c'est des choses comme ça qui se sont produites. Assalamu alaikum. Donc, cette méthode, cette méthodologie et cette voie qui s'est propagée, qui s'est répandue dans plein de pays musulmans, tout ça en grande partie, c'est soit par l'imitation des koufars et de leurs idéologies, ou soit parce qu'ils suivaient une voie parmi les voies des gens de bid'a, parmi les hizbiyins ou les khawarij ou autres. Mais dans tous les cas, peu importe, ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Ils élèvent des slogans qui sont en apparence des beaux slogans dans lesquels ils prétendent vouloir faire des bonnes œuvres ou des bonnes actions. Hein? Au Maroc, Al-Adlu wal-Ihsan. Subhanallah. Al-Adl, il n'y a rien de plus important que Al-Adl, c'est la justice. Et Al-Ihsan, c'est la bonté, la bienveillance. Le fait de faire les choses avec perfection, hein, d'adorer Allah avec ihsan, ça, il n'y a rien de mieux. Sauf qu'ils appellent à la rébellion, ils appellent à des manifestations, ils contredisent le dirigeant, hein, le chef de ce groupe qui était un soufi de la tariqa Boutchichi, un mukharrif, un égaré, un ignorant, un innovateur. Et puis, il écrit des lettres ouvertes au roi dans les journaux. Hein? Est-ce que ça, c'est la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire des nasiha aux dirigeants, en public, devant tout le monde, dans les journaux? Non, c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire la nasiha aux dirigeants. Hein? Il nous a dit, si tu veux faire la nasiha aux dirigeants, tu la fais en privé. Hein? Ou bien tu envoies un communiqué ou une lettre confidentielle et tu fais part de ton conseil et de ta nasiha au dirigeant, hein? Ou au responsable. Mais de faire ça de cette façon, ça c'est une voie des gens de l'égarement. Et puis, ils ont plein de khurafat, des croyances de tasawuf et de bid'a, le Mawlid al-Nabawi, tout ça. Ils ont plusieurs mosquées même à Montréal et même en dehors de Montréal aussi. Hein, ils ont la mosquée Bel-Agir, hein, et ils ont même Bel-Agir, ils appellent Bel-Agir. Et ils en ont même à Québec, des mosquées à Québec, la ville de Québec, et à l'extérieur même de Québec, à l'extérieur de Montréal. C'est des mosquées satellites qui suivent leur centrale, disons, leurs idées, leurs idéologies et tout. Et ils prêchent à ces idées-là. Non, ils ont des idéologies, ces gens-là, comme celle des Ikhwan en Égypte. C'est un petit peu la même tendance, sauf qu'à saveur marocaine. Hein? Donc, c'est pour dire, ils se donnent des beaux noms, mais derrière ça, il n'y a pas de substance. Hein? Et les Khawarij, hein? Ils ont précédé ces gens-là, dans ces voies-là. Le cheikh, il dit, ces gens-là, il n'est pas permis de les aider, et ni d'inviter à leur voix. Donc, ici à Montréal, il faut rester réveillé à ce sujet-là. Il faut rester conscient de ces choses-là. C'est-à-dire que les mosquées à Montréal, en grande partie, sont affiliés à des groupes de, parmi ces groupes-là. Donc, il y a des mosquées qui sont, si on veut, neutres ou bien qui n'ont pas de tendance spécifique. C'est des gens qui ne font pas partie d'aucun groupe, mais ils n'ont pas de connaissances. C'est des, c'est-à-dire, c'est des musulmans ordinaires, des awam, qui ont décidé d'ouvrir un lieu de prière pour se mettre ensemble, pour réunir, pour faire la prière. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe par la suite après ça? C'est que il y a des gens parmi ces groupes qui vont aller dans ces mosquées-là pour essayer de les rattraper, de les faire pencher de leur côté par la suite. Hein? Que ce soit Tablir ou Ikhwan ou Adlul Ihsan ou autre. Mais des fois aussi, c'est des mosquées qui font partie de ces groupes-là. Soit font partie des Ikhwan ou font partie des Tablir ou ils font partie de d'autres tendances comme ça. Et donc, il faut faire attention à ça. Donc, le cheikh, il dit, les Khawarij, ils les ont devancés dans ça. Les Khawarij se sont donné une image de musulmans qui sont sur l'obéissance et sur l'effort dans l'adoration. Et ils ont des slogans. Hein, parmi leurs slogans, ils disent, nous, on ordonne le bien, on interdit le mal. Hein? On est pour la vérité, on est pour la justice. Et tu les vois, par exemple, les groupes de Hezbollah aujourd'hui à Montréal, quand il y a quelque chose, ils sortent dans la rue, ils marchent. Hein? On veut défendre, soi-disant, le droit des gens, le droit des musulmans, le droit des koufars, parce qu'ils font des marches même avec les koufars. Je les ai vus quand ils ont fait la manifestation à Montréal, soi-disant, contre certaines lois que les koufars ont voulues, là. Et puis, ils se sont mis avec des sikhs, avec des hindous, avec des bouddhistes, avec des juifs, avec des chrétiens. Et ils marchent dans la rue avec eux. Ils disent, nous, on est unis contre ci et contre ça. Depuis quand, déjà de faire les manifestations, qui a permis ça parmi les ulama d'Ahl Sunnah? Qui a permis également parmi eux de se réunir avec les mouchriquins et les koufars pour appeler les gens à avoir le droit de pratiquer leur religion, yani. Donc, tu vas t'associer avec des juifs, des chrétiens, des hindous, des bouddhistes, des sikhs, et tu vas dire, on veut la liberté de religion. Donc, ça veut dire la liberté de faire le shirk et le kufr. Toi, tu défends ça. Et des musulmans qui marchent dans la rue, ils disent, nous, on est contre l'islamophobie. Puis ils disent, on est pour la laïcité, on veut que la laïcité nous défende. Comment la laïcité va te défendre alors qu'elle combat l'islam, hein? Donc, ça, c'est un exemple. Et les Khawarij, ils disaient, nous, on veut ordonner le bien, interdire le mal. Quand ils voyaient le dirigeant faire un péché ou faire quelque chose, ils disent, ah, il faut se rebeller contre lui, il faut le combattre parce qu'il a fait un péché, il est devenu kafir et il faut donc ordonner le bien et interdire le mal en le combattant. Ils pensent que ordonner le bien et interdire le mal, ça veut dire de se rebeller contre les dirigeants. Donc ils ont complètement déformé le sens de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Ou bien ils ont interdit un mal par un mal plus grand et ils n'ont pas ordonné le bien. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à leur sujet qu'ils sont les chiens de l'enfer. Et il dit dans un autre hadith, « Sharru qatla tahta adim al-sama » C'est les pires créatures que quelqu'un aurait pu tuer sous le ciel. Hein? Et dans un autre hadith, il dit, « Man qatalahum aw qataluhu » Celui qui les tue, les Khawarij, dans un combat ou dans une guerre, hein, quand le dirigeant les a combattus, s'il combat avec le dirigeant contre les Khawarij et que les Khawarij le tuent, il va au paradis. Hein, et il est récompensé lorsqu'il les tue aussi, malgré que ce sont des musulmans. Mais ils veulent tuer les musulmans. Alors, pour les empêcher, si c'est possible de les empêcher sans les combattre, alors on les empêche. Hein? C'est-à-dire les dirigeants vont les, le dirigeant va les empêcher. Il va les arrêter ou bien il va les faire cesser de nuire. Mais si ce n'est pas possible, excepté en les combattant, surtout lorsqu'ils ont réuni une armée ou des armes et de la force, donc dans ce cas-là, le dirigeant doit les combattre. Après, dans un autre paragraphe, le cheikh, il dit donc, leur slogan, il dit, leur slogan ne leur sert à rien. Et leurs œuvres, même leurs bonnes œuvres, comme la salat, la récitation du Coran, hein, ne leur sert à rien non plus. Parce qu'ils sont sortis de la jama'a des musulmans et ils ont contredit la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le dernier paragraphe qu'on va lire aujourd'hui, le cheikh il dit « Fal-hadar al-hadar min al-inkhida'i bi-hadihi al-jama'at al-kharija an jama'at al-muslimin allati ibtuliya biha alim al-islam al-yawm fama hiya illa wakrun يعمره الشيطان ويمده أعداء الدين والسنن من من انخدع بها فيا حسرة عليه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Donc le cheikh il dit alors faites attention à tout, donc يعني le cheikh il dit faites attention que toute personne qui est trompée par ces groupes soi-disant islamique, fasse attention. Il n'y a pas plusieurs jama'at, il y a une seule jama'at qui est obligatoire de suivre, et c'est la jama'at des musulmans, et dans un pays musulman, c'est celle qui est unie autour de son dirigeant. Une fois que cette jama'at est établie, ce n'est pas permis à quelqu'un de venir essayer de disputer l'autorité à celui qui détient le pouvoir, ou d'essayer de le destituer ou de se rebeller contre lui, mais d'être patient et d'écouter et d'obéir. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Et donc il dit, malheureusement, aujourd'hui, ces groupes-là, c'est devenu une épreuve et un malheur pour le monde musulman aujourd'hui. Et ça ne fait en réalité partie que des choses que le shaitan, c'est lui qui les encourage et qui les incite. Et les ennemis de la religion et de l'islam, il les encourage aussi, il les pousse dans ça. Et beaucoup, malheureusement, de musulmans ont été trompés par ces voies-là. Et donc, malheur à ceux qui sont trompés par ce genre de choses, parce qu'ils ont perdu la dunya et l'au-delà. Et ça, c'est la perte évidente. Donc, on va, pour le livre de Al-Amr bil-Uzum al-Jama'a, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, on va tout de suite commencer avec le livre suivant.